Les Indes noires de Jules Verne 1877. Chapitre 1er. Deux lettres contradictoires. Monsieur J.R. Starr, ingénieur, 30 Canongate, Édimbourg. Si Monsieur James Starr veut se rendre demain aux houillères d'Aberfoyle, fosse Dockhart, puis Yarrow, il lui sera fait une communication de nature à l'intéresser. Monsieur James Starr sera attendu toute la journée à la gare de Callander par Harry Ford, fils de l'ancien overman Simon Ford. Il est prié de tenir cette invitation secrète. Telle fut la lettre que James Starr reçut par le premier courrier à la date du 3 décembre 1800, lettre qui portait le timbre du bureau de poste d'Aberfoyle, comté de Stirling, Écosse. La curiosité de l'ingénieur fut piquée au vif. Il ne lui vint même pas à la pensée que cette lettre pût renfermer une mystification. Il connaissait de longue date Simon Ford, l'un des anciens contremaîtres des mines d'Aberfoyle, dont lui, James Starr, avait été pendant 20 ans le directeur, ce que dans les houillères anglaises on appelle le viewer. James Starr était un homme solidement constitué, auquel ses 55 ans ne pesaient pas plus que s'il n'en eût porté que 40. Il appartenait à une vieille famille d'Édimbourg, dont il était l'un des membres les plus distingués. Ses travaux honoraient la respectable corporation de ses ingénieurs qui dévore peu à peu le sous-sol carbonifère du Royaume-Uni, aussi bien à Cardiff, à Newcastle, que dans les bas-comtés de l'Écosse. Toutefois, c'était plus particulièrement au fond de ces mystérieuses houillères d'Aberfoyle, qui confinent aux mines d'Aloha et occupent une partie du comté de Stirling, que le nom de Starr avait conquis l'estime générale. Là s'était écoulée presque toute son existence. En outre, James Starr faisait partie de la Société des antiquaires écossais, dont il avait été nommé président. Il comptait aussi parmi les membres les plus actifs de Royal Institution, et la revue d'Édimbourg publiait fréquemment de remarquables articles signés de lui. C'était, on le voit, un de ces savants pratiques auxquels est due la prospérité de l'Angleterre. Il tenait un haut rang dans cette vieille capitale de l'Écosse qui, non seulement au point de vue physique, mais encore au point de vue moral, a pu mériter le nom d'Athènes du Nord. On sait que les Anglais ont donné à l'ensemble de leur vaste houillère un nom très significatif. Ils les appellent très justement les Indes noires. Et ces Indes ont peut-être plus contribué que les Indes orientales à accroître la surprenante richesse du Royaume-Uni. Là, en effet, tout un peuple de mineurs travaille, nuit et jour, à extraire du sous-sol britannique le charbon, ce précieux combustible, indispensable élément de la vie industrielle. À cette époque, la limite de temps assignée par les hommes spéciaux à l'épuisement des houillères était fort reculée, et la disette n'était pas à craindre à court délai. Il y avait encore à exploiter largement les gisements carbonifères des deux mondes. Les fabriques appropriées à tant d'usages divers, les locomotives, les locomobiles, les steamers, les usines à gaz, etc., n'étaient pas près de manquer du combustible minéral. Seulement la consommation s'était tellement accrue pendant ces dernières années que certaines couches avaient été épuisées jusque dans leurs plus maigres filons. Abandonnées maintenant, ces mines trouaient et sillonnaient inutilement le sol de leurs puits délaissés et de leurs galeries désertes. Tel était précisément le cas des houillères d'Aberfoyle. 10 ans auparavant, la dernière benne avait enlevé la dernière tonne de houille de ce gisement. Le matériel du fond, machine destinée à la traction mécanique sur les rails des galeries, berlines formant les trains subterranés, tramways souterrains, cages desservant les puits d'extraction, tuyaux dont l'air comprimé actionnait des perforatrices, En un mot, tout ce qui constituait l'outillage d'exploitation avait été retiré des profondeurs des fosses et abandonné à la surface du sol. La houillère, épuisée, était comme le cadavre d'un mastodonte de grandeur fantastique auquel on a enlevé les divers organes de la vie et laissé seulement l'ossature. De ce matériel, il n'était resté que de longues échelles de bois, desservant les profondeurs de la houillère par le puits Yarrow, le seul qui donna maintenant accès aux galeries inférieures de la fosse d'Ockhart depuis la cessation des travaux. À l'extérieur, les bâtiments, abritant autrefois aux travaux du jour, indiquaient encore la place où avaient été foncés les puits de la dite fosse, complètement abandonnée, comme l'étaient les autres fosses dont l'ensemble constituait les houillères d'Aberfoy. Ce fut un triste jour lorsque, pour la dernière fois, les mineurs quittèrent la mine dans laquelle ils avaient vécu tant d'années. L'ingénieur James Starr avait réuni ces quelques milliers de travailleurs qui composaient l'active et courageuse population de la houillère. Piqueurs, rouleurs, conducteurs, remblayeurs, boiseurs, cantonniers, receveurs, basculeurs, forgerons, charpentiers, tous, femmes, enfants, vieillards, ouvriers du fond et du jour, étaient rassemblés dans l'immense cour de la fosse d'Ockhart, autrefois encombrée du trop-plein de la houillère. Ces braves gens que les nécessités de l'existence allaient disperser, eux qui, pendant de longues années, s'étaient succédés de père en fils dans la vieille Aberfoy, attendaient avant de la quitter pour jamais les derniers adieux de l'ingénieur. La compagnie leur avait fait distribuer, à titre de gratification, les bénéfices de l'année courante. Peu de choses, en vérité, car le rendement des filons avait dépassé de bien peu les frais d'exploitation. Mais cela devait leur permettre d'attendre qu'ils fussent embauchés, soit dans les houillères voisines, soit dans les fermes ou les usines du comté. James Starr se tenait debout, devant la porte du vaste appentis sous lequel avaient si longtemps fonctionné les puissantes machines à vapeur du puits d'extraction. Simon Ford, l'overman de la fosse d'Ockhart, alors âgé de 55 ans, et quelques autres conducteurs de travaux l'entouraient. James Starr se découvrit. Les mineurs, chapeau bas, gardaient un profond silence. Cette scène d'adieu avait un caractère touchant qui ne manquait pas de grandeur. « Mes amis, dit l'ingénieur, le moment de nous séparer est venu. Les houillères d'Aberfoy, qui depuis tant d'années nous réunissaient dans un travail commun, sont maintenant épuisées. Nos recherches n'ont pu amener la découverte d'un nouveau filon, et le dernier morceau de houille vient d'être extrait de la fosse d'Ockhart. » Et à l'appui de sa parole, James Starr montrait aux mineurs un bloc de charbon qui avait été gardé au fond d'une benne. « Ce morceau de houille, mes amis, reprit James Starr, c'est comme le dernier globule du sang qui circulait à travers les veines de la houillère. Nous le conserverons comme nous avons conservé le premier fragment de charbon extrait il y a 150 ans, des gisements d'Aberfoy. Entre ces deux morceaux, bien des générations de travailleurs se sont succédées dans nos fosses. Maintenant c'est fini. Les dernières paroles que vous adresse votre ingénieur sont des paroles d'adieu. Vous avez vécu de la mine qui s'est vidée sous votre main. Le travail a été dur, mais non sans profit pour vous. Notre grande famille va se disperser, et il n'est pas probable que l'avenir en réunisse jamais les membres épars. Mais n'oubliez pas que nous avons longtemps vécu ensemble, et que chez les mineurs d'Aberfoy, c'est un devoir de s'entraider. Vos anciens chefs ne l'oublieront pas non plus. Quand on a travaillé ensemble, on ne saurait être des étrangers les uns pour les autres. Nous veillerons sur vous, et partout où vous irez en honnêtes gens, nos recommandations vous suivront. Adieu donc, mes amis, et que le ciel vous assiste. » Cela dit, James Starr pressa dans ses bras le plus vieil ouvrier de la houillère, dont les yeux s'étaient mouillés de larmes. Puis les overmen des différentes fosses vinrent serrer la main de l'ingénieur, pendant que les mineurs agitaient leurs chapeaux et criaient « Adieu, James Starr, notre chef et notre ami !» Ces adieux devaient laisser un impérissable souvenir dans tous ces braves cœurs. Mais, peu à peu, il le fallut, cette population quitta tristement la vaste cour. Le vide se fit autour de James Starr. Le sol noir des chemins, conduisant à la fosse d'Ockhart, retentit une dernière fois sous le pied des mineurs, et le silence succéda à cette bruyante animation qui avait empli jusqu'alors la houillère d'Aberfoyle. Un homme était resté seul près de James Starr. C'était l'overman Simon Ford. Près de lui se tenait un jeune garçon âgé de 15 ans, son fils Harry, qui depuis quelques années déjà était employé aux travaux du fond. James Starr et Simon Ford se connaissaient, et se connaissant, s'estimaient l'un l'autre. « Adieu, Simon, » dit l'ingénieur. « Adieu, monsieur James, » répondit l'overman, « ou plutôt, laissez-moi ajouter, au revoir. » « Oui, au revoir, Simon, » reprit James Starr. « Vous savez que je serai toujours heureux de vous retrouver et de pouvoir parler avec vous du passé de notre vieille Aberfoyle. »« Je le sais, monsieur James. » Ma maison d'Édimbourg vous est ouverte. C'est loin, Édimbourg, répondit l'overman en secouant la tête. Oui, loin de la fosse d'Ockhart. Loin, Simon? Où comptez-vous donc demeurer? Ici même, monsieur James. Nous n'abandonnerons pas la mine, notre vieille nourrice, parce que son lait s'est taré. Ma femme, mon fils et moi, nous nous arrangerons pour lui rester fidèles. Adieu donc, Simon, répondit l'ingénieur, dont la voix malgré lui trahissait l'émotion. « Non, je vous répète, au revoir, monsieur James, » répondit l'overman, « et non adieu. Foi de Simon Ford, Aberfoyle vous reverra. » L'ingénieur ne voulut pas enlever cette dernière illusion à l'overman. Il embrassa le jeune Harry, qui le regardait de ses grands yeux émus. Il serra une dernière fois la main de Simon Ford et quitta définitivement la houillère. Voilà ce qui s'était passé 10 ans auparavant. Mais malgré le désir que venait d'exprimer l'overman de le revoir quelques jours, James Starr n'avait plus entendu parler de lui. Et c'était après 10 ans de séparation que lui arrivait cette lettre de Simon Ford qui le conviait à reprendre, sans délai, le chemin des anciennes houillères d'Aberfoyle. Une communication de nature à l'intéresser. Qu'était-ce donc? La fosse d'Ockhart. Le puits Yarrow. Quel souvenir du passé, ces noms rappelaient à son esprit. Oui, c'était le bon temps, celui du travail, de la lutte, le meilleur temps de sa vie d'ingénieur. James Starr relisait la lettre. Il la retournait dans tous les sens. Il regrettait en vérité qu'une ligne de plus n'eût pas été ajoutée par Simon Ford. Il lui en voulait d'avoir été si laconique. Était-il donc possible que le vieil overman eût découvert quelques nouveaux filons à exploiter? Non. James Starr se rappelait avec quel soin minutieux les houillères d'Aberfoyle avaient été explorées avant la cessation définitive des travaux. Il avait lui-même procédé au dernier sondage, sans trouver aucun nouveau gisement dans ce sol ruiné par une exploitation poussée à l'excès. On avait même tenté de reprendre le terrain houillé sous les couches qui lui sont ordinairement inférieures, tel que le grès rouge dévonien, mais sans résultat. James Starr avait donc abandonné la mine avec l'absolue conviction qu'elle ne possédait plus un morceau de combustible. « Non, se répétait-il, non. Comment admettre que ce qui aurait échappé à mes recherches se serait révélé à celle de Simon Ford ? Pourtant, le vieil overman doit bien savoir qu'une seule chose au monde peut m'intéresser, et cette invitation que je dois tenir secrète de me rendre à la fosse d'Ockhart. » James Starr en revenait toujours là. D'autre part, l'ingénieur connaissait Simon Ford pour un habile mineur, particulièrement doué de l'instinct du métier. Il ne l'avait pas revu depuis l'époque où les exploitations d'Aberfoyle avaient été abandonnées. Il ignorait même ce qu'était devenu le vieil overman. Il n'aurait pu dire à quoi il s'occupait, ni même où il demeurait avec sa femme et son fils. Tout ce qu'il savait, c'est que rendez-vous lui était donné au puits Yarrow et qu'Harry, le fils de Simon Ford, l'attendrait à la gare de Callander pendant toute la journée du lendemain. Il s'agissait donc évidemment de visiter la fosse d'Ockhart. « J'irai, dit James Starr, qui sentait sa surexcitation s'accroître à mesure que s'avançait l'heure. Ce qu'il appartenait, ce digne ingénieur, à cette catégorie de gens passionnés dont le cerveau est toujours en ébullition, comme une bouilloire placée sur une flamme ardente. Il est de ces bouilloires dans lesquelles les idées cuisent à gros bouillon, d'autres où elles mijotent paisiblement. Or, ce jour-là, les idées de James Starr bouillaient à plein feu. Mais alors un incident, très inattendu, se produisit. Ce fut la goutte d'eau froide qui allait momentanément condenser toutes les vapeurs de ce cerveau. En effet, vers 6 heures du soir, par le troisième courrier, le domestique de James Starr apporta une seconde lettre. Cette lettre était renfermée dans une enveloppe grossière, dont la suscription indiquait une main peu exercée au maniement de la plume. James Starr déchira cette enveloppe. Elle ne contenait qu'un morceau de papier jauni par le temps et qui semblait avoir été arraché à quelque vieux cahier hors d'usage. Sur ce papier, il n'y avait qu'une seule phrase ainsi conçue. Inutile à l'ingénieur James Starr de se déranger. La lettre de Simon Ford étant maintenant sans objet. Et pas de signature.